Salut à tous et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 144e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Et oui, c'est Spike et je suis content de vous retrouver après ces 15 jours d'absence dus à la grippe. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des messages pour me demander mes nouvelles. On est de retour, on est en forme et tout va bien. On commencera tout de suite avec Walking in the Sun, le nouveau et la nouveauté de Fallout. C'est sur l'album Razor Flag and Other Artem, leur premier EP sorti le 15 août 2018. On retrouve Red Light Union, Walking in the Sun, Razor Flag et Wave Slave. Ils sont québécois et c'est de la hoï. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Urgence de La Gâchette. C'est sur la compile Satire volume 4, disponible sur Bandcamp à prix libre. On retrouve Death of Lynn du groupe Long Story Short, La Moulinette Infernale de Toxic Waste et Oh Boy de Acidic Park. Et d'autres extraits dans de prochaines émissions. On écoutera ensuite Hold On de Johnny Clark, c'est du vinyle. C'est sur l'album Sons of Jamaica, sorti le 6 novembre 2015. On retrouve Ride On Girl, True Believer et King of the Arena. Un artiste jamaïcain un peu trop méconnu à mon goût. On écoutera ensuite une nouveauté et même une exclusivité, The Eyes of the Others de Alchemy. C'est le single d'un album à sortir au printemps. Des news très vite, le clip est visible sur YouTube. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Time Machine de Black Sabbath. C'est sur l'album Cross Purposes, leur 17e album sorti le 27 janvier 1994. On retrouve Eyewitness, Psychophobia et Immaculate Deception, un des meilleurs albums avec Ronnie James Dio. Oh, cause he might lose me somehow. So he must take me right now, or I'll be gone. Oh, the first time I saw you go, you say you need me, but then your own friends told you to leave me. Now you're running back, begging for mercy, and I will hear you cry, cause I still love you. Hold on, don't let go, hold on. If you do love me, hold on, then you won't lose me, no time. I do love you so much, so you'll be mine. So you'll be mine. Done me wrong, you must be sorry for what you have done to me. I am the type of man that will forgive you. All I've got to say is that you must hold on, hold on tight, hold on. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 144e Vampire Flix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Walking the Sun, le nouveau de Fallout, Urgence de La Gâchette, Hold On en vinyle de Johnny Clark, The Eyes of the Others, la nouveauté et l'exclusivité de Alchemy, et on a fini ce bloc en live avec Time Machine de Black Sabbath. On continuera cette émission avec une autre nouveauté, We Are Crazy, le nouveau d'Anko Jones. C'est le nouveau single d'un album à sortir au printemps. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Only Fools Get Caught de Booze and Glory. C'est sur l'album As Bold As Brass, pardon, sorti en 2014. On retrouve Off We Go, One of Them et Sick of You. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Your Man de Dennis Brown. C'est sur l'album Full Play, sorti le 9 octobre 1981. On retrouve On the Rocks, I Need Your Love et Come On Baby, un classique du reggae. On écoutera ensuite Super Gainsbourg de MC Solar. C'est sur l'album Géopoétique, sorti le 3 novembre 2017. On retrouve Sonotone, Mephisto Iblis et On Se Lève. Il avait eu une victoire de la musique avec cet album. Et on finira ce bloc en live avec Spanish Caravan de The Doors. C'est sur l'album Waiting for the Sun, leur troisième album, sorti le 3 juillet 1968. Justement, cet album ne contient pas Waiting for the Sun. Il est sur Morrison Hotel, sorti en 1970. Mais on retrouve Hello I Love You, Winter Time Love et 5 to 1 du son culte. Crazy. Yes we are. Crazy. Yes we are. It's you baby who I like to love. Nobody gets me except for you. I wanna shout this top of the highest mountain and let the whole world know it's true. I'm on a mission to get some kissing. It's necessary. Oh, let me tell ya, this love for you ain't arbitrary. I don't care which way we go, just get me out of here. I bet it all on the two of us. Crazy, yes we are. Crazy, yes we are. I know it's strange, we don't fit in. I mean, who wants to anyway? Stick to your guns, make sure you do your thing. I'm here every step of the way. It's you and me against the world. Glory, Vespa, the Londonians, Room by Style! listen now. But I'll believe it when I see it, cause I know it ain't that easy just to turn your back on it all. Cause before you ever knew, from the day that you were born, was to cheat, lie, fight and steal. Well, you're never gonna break it if you can't earn it, take it. Well, life don't work that way. Cause some people never change, some people fade away, some people break the rules, but only fools get fooled. He was never gonna go clean, dragged up in the East End. What kind of starting life is that? He never did do well at school, was in and out of hostel, but he learned what he had to know. Cause before you ever do, from the day that you leave school, is work hard and live an honest life. Well, you never get no thanks, cause we're all on the black, and life just works that way. Cause some people never change, some people fade away, some people break the rules, but only fools get. Some people fade away, some people break the rules, but only fools get fooled. People.

to Portugal, take me to Spain. Andalusia with fields full of grain. I have to see you again and again. Take me, Spanish caravan. Yes, I know you can. Il est excellent ce live à l'Hollywood Bowl en 68. Vous êtes bien dans la 144e Vampire Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter We Are Crazy, le nouveau d'Anko Jones, Only Fools Get Fooled de Booze and Glory, Your Man de Dennis Brown, Super Gainsbourg de MC Solar et on a fini ce bloc en live avec Spanish Caravan des Doors. On continuera cette émission avec une nouveauté, Like You, le nouveau Silly You, c'est sur l'album Motel, leur troisième album sorti le 15 décembre 2017. On retrouve Save Me, le clip est sorti en novembre dernier, Jupiter's Crash et Be Mine, un excellent album. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Facebook Fury, le nouveau Shaggy Dogs, c'est sur l'album All Inclusive sorti le 20 avril 2018. On retrouve Blues Steady, Watch Out et New York City. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera un vieux son, Close to Me de The Cure, c'est sur l'album The Head of the Door, leur sixième album sorti le 26 août 1985 en France. On retrouve In Between Days, The Blood et A Night Like This, un classique de chez classique. On écoutera un bon son cassette, Valley Girl de Frank Zappa, c'est sur l'album Zappatite, c'est une compile qui est sortie en septembre 2016. On retrouve Dirty Love, You Are What You Is et Cocaine Decision, un classique du genre. Et on finira ce bloc en live avec My Willow Tree de Alton Ellis, c'est sur l'album Mr. Soul of Jamaica, sorti en 1974. En fait, il contient 12 titres enregistrés entre 1967 et 1970, dont Breaking Up, I Can't Stop Now et What Does It Take, un reggae culte. Something else, things inside me all lost. You can tell your friends all about your life. You can't even try to find a beautiful wife. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. But if I had your face, then I could make it safe and clean. Clean the cat box. Valley girl. I

Thank you. Right now I'm about to leave the stage. So I'd like to do a song. Thank you very much, good night, thank you very much. Alton, Alton, vous êtes toujours dans la 144e Vampire Fix et c'est Spike qui est avec vous. On vient de s'écouter Like You, le nouveau Seal You, Facebook Fury, le nouveau Shaggy Dogs, Close to Me, le grand classique des Cure. On a eu ensuite Valley Girls de Frank Zappa et on a fini ce bloc avec My Willow Tree de Alton Ellis en live. On continuera avec une autre nouveauté, Avoir 40 ans de Atalan Aimé. C'est sur l'album Anthropophagie sorti le 17 mai 2018. On retrouve À l'envers de ma raison, Misanthropie, Le silence et l'oubli. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube. D'ailleurs, le clip Misanthropie est sur YouTube et sur toutes les plateformes numériques. On écoutera une autre nouveauté, Destin, le nouveau 16-4. C'est sur l'album Complètement Flippé, sorti le 15 novembre 2018. On retrouve Rock'n'Roll USA, Héroïne et Alzheimer. Ils sont chez Kebra Records et on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube. D'ailleurs, Rock'n'Roll in USA est sur YouTube et sur toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Picture on the Wall de Phyllis Dillon. C'est sur l'album One Life to Live, sorti en 1974. L'album a été réédité en 2018. On retrouve Don't Stay Away, Nice Time et Woman Ghetto. C'est un plaisir pour moi de diffuser cette grande dame du reggae jamaïcain et dommage qu'il ne reste pas grand chose. Si vous avez des infos sur Phyllis Dillon ou du son, faites-moi signe. On écoutera ensuite Vite, Vite, Vite, le nouveau Kima. C'est sur l'EP Resist, sorti le 11 mai 2018. On retrouve Faire Face, Resist, Shadow, Vision et Plié. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live, en live, en live avec Je suis fier de ne rien faire des Sales Majestés. C'est sur leur album Le Week-end Sauvage sorti en 2008. On retrouve Camarades, Mes Frères, Petit Papa Noël, Les Patrons, etc. etc. Et c'est pour moi le meilleur concert des Sales Majestés. Sourire comptoir et matin glacé, encore craché, des confessions papier qui je ne conçois ne font pleurer que moi. La lune insipide étale ses rayons, cette nuit placide dévore l'horizon. Une chaumière peut-être attend quelque part, je pourrais poser mes larmes et ma guitare. Désirent-elles m'apporte que les saignements du temps. J'ai pas hâte d'avoir 40 ans. Au creux de mon âme, la jeunesse d'hier a jamais sombré, coulé dans la bière. Illusion stupide au sortir des bistrots, quoi que l'on décide, ça ne sera jamais trop. Carpe diem imbécile, pris à contre-courant. Si mes yeux me délaissent, que le foie me brûle, je me dis que par noblesse j'ai le sens du ridicule. Les hirondelles m'apportent que les saignements du temps. J'ai pas hâte d'avoir 40 ans. Pour son billet aux chambres d'hôtel, aux crabes froissés. Aux portes jartelles, aux mensonges susurés, au creux de l'oreille, au marchand de sable qui a perdu le sommeil, aux chandelles allumées, sans éclat, sans rêve, au silence d'acier qui n'apporte plus de trêve, au calvaire du soleil, rempli de vanité, qui révèle en lumière notre pâle vérité. Les hirondelles m'apportent que les saignements du temps. J'ai pas hâte d'avoir 40 ans. Les hirondelles m'apportent

Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Fière de ne rien faire, je préfère à jamais ne plus rien faire. Ah, qu'est-ce que j'aime ça, les Salles Majestés en live. Vous êtes toujours dans la 144e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Avoir 40 ans, le nouveau Atalanemé, Destin, le nouveau 16-4. On a eu ensuite Picture on the Wall, le grand classique de Phyllis Dillon. On a eu ensuite Vite Vite, le nouveau titre de Kima. Et on a eu ensuite Je suis fier de ne rien faire en live des Salles Majestés. On continuera cette émission en live avec Nicotine Love des Bébés Brunes. C'est sur l'album Nicotine Live, sorti le 18 octobre 2011. On retrouve Dynamite, seul ou accompagné, dis-moi, ils font pour rien et c'est pas dommage. On écoutera ensuite I Will Be Me, le nouveau des Mad Me Punks. C'est sur l'album Mots Croisés, Verveine et Balmusette. C'est un EP 5 titres qui est sorti le 1er décembre 2018. On retrouve Preacher, She's Got It, Isolation, I Can Dance et I Will Be Me. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On se retient un petit live, là j'ai envie de live. C'est Night Witches de Sabaton, c'est sur l'album Heroes, sorti le 16 mai 2014. On retrouve No Bullets Fly, Smoking Snakes et Resist and Bite. On écoutera ensuite un petit classique, Ease the King de The Congos. C'est sur l'album Image of Africa, sorti en 1979. On retrouve Mr. Biggs, Music Maker et Stay Alive, encore un reggae culte. Et on finira ce bloc en live avec Harley David, Son of a Beach de Gainsbourg. C'est sur le Zénith de Gainsbourg, sorti en 1988. On retrouve You're Under Arrest, Hey Man Amen, Couleur Café. Et moi, il me manque, moi, le Gainsbourg. Hein. Je sais pas vous, mais moi, il me manque. Chaque semaine, à la même heure, sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Oh,

That's the lion. Le roi du désert, le lion. Africa. Go to Africa. To the roots. Aya. That's Africa. Ça a baisé là. Oh la vache. Oh, faut que ça la ferme. Oh, il tringle. Il lime là, il lime comme une bête. Il n'y a pas son pied, hein, c'est une salope. On vient de s'écouter Nicotine Love en live des Bébés Brunes, I Will Be Me, le nouveau They Might Be Punk. On a eu ensuite Night Witches, tout simplement, en live de Sabaton. On a eu ensuite He Is The King de The Congos et on a fini ce bloc en live avec Harley Davidson of the Beach de Gainsbourg. 744e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Si vous êtes un groupe que vous souhaitez diffuser, ben vous me contactez à la même adresse. La semaine prochaine, donc c'est à 145e, et je vais faire une spéciale. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vraie spéciale. Il y aura du live, du vinyle, de la cassette, plein de bonnes choses. On finira avec la bande originale du film Les Bronzés font du ski, donc le thème Les Bronzés font du ski de Pierre Bachelet. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu !